Chapitre 10e. Deux jours après, il tombait à Tamboruna une pluie torrentielle. Pendant 36 heures, ce fut un vrai déluge. Le ciel semblait se joindre à la terre par des colonnes liquides transparentes. Le pauvre sol, brûlé, déchiré, dépourvu depuis tant de mois de sa couverture gazonnée et exposé tout nu à la merci du soleil dévorant, ouvrait partout ses lèvres desséchées et absorbait dans son sein l'humidité délicieuse. Les arbres et les plantes retrouvaient leur sève, et la nature entière reprenait sa fraîcheur. Madame Ray triomphait à la suite de cette averse. L'eau ruisselait encore des plates-bandes du jardin, qu'Arthur la vit sortir comme pour jouir de son œuvre. Elle respirait avec délice le parfum qui montait de la terre trempée de moiteur. Il lui semblait que la nature la remerciait. Elle croyait voir pleurer de bonheur tout ce feuillage qui laissait couler par terre des gouttelettes de cristal. Certes, ce n'était pas cette fois en pénitente, mais en régénératrice qu'elle fit son entrée au salon, où on l'attendait pour le déjeuner. Arthur, du reste, savait si bien interpréter ses moindres gestes que lorsqu'il la vit s'approcher de la fenêtre où l'avait essuyé son humiliation, tout en faisant semblant de ne pas s'apercevoir de sa présence, il était très certain que c'était à son intention qu'elle s'y plaçait. C'était une manière de lui rappeler ses torts que de se mettre en face de cette nature transformée qui lui sourit à elle avec reconnaissance, tandis que pour lui, elle devait toujours rester triste et assombrie. Mais Arthur pouvait tout lui pardonner, même son bonheur. Il lui rendait grâce de ce qu'elle avait repris tout l'éclat de sa beauté. Ses anneaux de cheveux rebelles s'étaient encore une fois échappés de leur cachette. Il y avait de l'or parmi ses tresses. Ses lèvres étaient redevenues vermeilles. Cependant, cette femme adorable était la châtelaine de Tamboruna, et elle se croyait presque une puissance au monde. Ne venait-elle pas d'opérer un miracle en faveur de sa station? Madame Ray s'apprêtait à faire une course à pied avec son fils. Trop heureuse de pouvoir lui montrer l'effet miraculeux de son intervention dans la conduite de l'univers, elle se souciait peu de la boue. Elle passa à la hâte son ulster, se chaussa d'une paire de grosses bottines en cuir de kangourou et fit appeler Bobby. Le précepteur les vit sortir par la porte du jardin et se diriger ensuite du côté du creek. C'était une matinée superbe. La nature était si contente de revivre qu'elle s'en réjouissait. Les oiseaux, qui ne savent pas chanter en Australie, caquetaient dans les branches mouillées. Les insectes criaient dans leurs trous. On voyait danser des taches de lumière et la terre exhalait une odeur enivrante. C'était un hymne universel qui balait toutes les litanies des églises. Madame Ray était pénétrée de joie en écoutant cette harmonie. Elle riait de tout, de ses pieds mouillés, des averses que la brise faisait tomber sur ses épaules quand elle passait sous les branches des gommiers, de Bobby crotté jusqu'aux genoux. Il lui semblait que la nature fêtait son passage en faisant sonner toutes les notes de sa gamme infinie. Elle continuait cependant à se diriger vers le creek. On entendait déjà gronder les eaux turbulentes, là où deux jours avant il n'y avait qu'un ravin desséché et pierreux. En temps ordinaire, Bobby avait l'habitude de franchir le creek d'un seul bond. Aujourd'hui, le creek était tout rempli d'une écume furieuse qui faisait danser sur sa surface des branches, des troncs d'arbres, des bêtes noyées, un tas d'objets inappréciables et difformes. Bobby se mit à courir pour voir ce prodige de plus près. Madame Murray était aussi pressée que son fils de constater de ses yeux ce phénomène. « Doucement, mon ami, dit-elle. Vas-tu donc me laisser en arrière ?»« Bobby, Bobby, ne sais-tu pas que ce terrain est tout pourri? Mais où court-il donc, le malheureux? Mon Dieu, qu'il s'arrête seulement, Bobby, Bobby !» Mais Bobby ne prêtait pas la moindre attention. Elle releva alors sa robe et s'efforça de courir après lui. Elle le voyait arriver au bord de l'eau. Il se mettait à genoux pour mieux regarder l'étrange défilé. Il avait ensuite l'air de vouloir se relever, mais dès ce moment sa mère ne vit plus rien. L'enfant s'était agenouillé sur le sol pourri, et les efforts qu'il fit pour se relever avaient fini par l'entraîner. À l'instant où la mère essoufflée arriva, elle vit disparaître et la terre et son fils. Un grand morceau de terrain se détachait des bords, et au milieu des débris de toute espèce que l'eau engloutissait dans ses flots furieux, on voyait rouler la tête bouclée de Bobby en compagnie d'un tronc d'arbre énorme qui menaçait de le tuer. Alors Madame Ray poussa ce cri suprême que l'on entend sortir de la bouche de toute mère à laquelle on ravit son enfant. Ce cri était l'aveu de son impuissance. Il ne ressemblait ni à une protestation, ni à une prière, il résumait le désespoir. Madame Ray ne songeait maintenant qu'à se jeter à l'eau à la suite de son fils. Ce n'était pas qu'elle conçut l'idée de le sauver. Il aurait fallu une force surhumaine pour résister au courant. Mais elle éprouvait un désir fou de serrer encore entre ses bras cette tête bouclée qu'elle avait vue rouler sous les flots. À quoi bon vivre sans Bobby? Du reste, elle ne raisonnait pas. Elle sentait seulement qu'il valait mieux ressaisir cette tête chérie au prix même de la mort que de porter à tout jamais, au fond de son cœur de mère, un vide affreux que rien ne saurait remplir. Elle s'élançait vers le bord du fleuve quand une main vint se poser sur son épaule. Elle sentit s'affaisser tout son corps, leva les yeux. Elle vit près d'elle Arthur qui la prenait en grande compassion. « Lâchez-moi, lâchez-moi » dit-elle. « Je vais près de Bobby. »« Non, vous n'irez pas, j'irai moi. Donnez-moi seulement le temps de le sauver. » Les bords du creek présentaient des contours de promontoires et de péninsules en miniature, ce qui faisait que le courant, arrêté en divers endroits, avait créé partout des espèces de tourbillons. Au moment où le précepteur apparut, Bobby se débattait dans un de ces tournants. Arthur craignait de ne retirer de l'eau qu'un pauvre corps meurtri et inerte. Retrouver Madame Murray pour remettre entre ses bras le cadavre de son fils, c'eût été une fin assez lugubre au roman de sa vie. Deux armées entières applaudissaient à l'entreprise d'Horace luttant contre le courant du Tibre. Mais pour Arthur, il n'y avait que la vue d'une pauvre femme défaillante. Grâce à sa force physique et à son sang-froid, Arthur parvint à gagner la place où était l'enfant. D'une main, il réussit à saisir les cheveux bouclés de Bobby, qui surnageait encore. Le tourbillon lui disputait sa proie avec acharnement, et maintes fois il fut sur le point d'être enlevé lui-même. À la fin, il triompha et réussit à sortir de l'eau avec ce fardeau inerte sous le bras. Il avait mis la main sur le cœur de Bobby et s'aperçut qu'il vivait encore. Il n'était qu'évanoui. Les enfants ont presque autant de vitalité que les chats, auxquels un proverbe anglais accorde jusqu'à 9 vies distinctes. Au moment où sa mère se jetait entre ses bras, Bobby rouvrit ses yeux bleus et regarda d'un air étonné les vêtements mouillés de son précepteur. Elle ne trouva rien à dire. Elle leva tout simplement ses yeux de mère reconnaissante vers le sauveur de son fils. De sa vie, elle n'avait éprouvé une émotion aussi grande. Il lui fallait baisser la tête devant celui qui mettait à jour les sentiments indicibles de tendresse et de passion qu'il avait cachés jusqu'alors avec tant de soin. La peur et la joie s'emparaient à la fois de son âme. Elle resta interdite, muette, jusqu'au moment où Arthur vint retirer l'enfant de ses bras pour le ramener à la maison. Alors elle se traîna par terre à ses genoux et pleura à chaudes larmes en embrassant la main qui venait de lui rendre son trésor.